toi. Au pont à droite, t'arrives un peu trop tard, parce que tu boites la voile langue dedans. Le mât est dehors, la terre tourne gentiment. Si loin de ma vie.